Vous êtes toujours en compagnie de Radio Duo, bien sûr, sur Saint-Étienne et Périphérie, au-delà même de Saint-Étienne et de nos frontières stéphanoises. Si vous nous écoutez via la toile, le net et en stream, via les www.radioduo.org. Radio Duo pour la quatrième fois et édition en direct du week-end de la vie associative. En ce dimanche 7 septembre, nous sommes en direct depuis l'ouverture des portes, depuis 10h ce matin jusqu'à 18h ce soir. Et alors, je vais faire une petite transition puisque nous accueillons et nous allons accueillir tout au long de cette journée moins de 14 associations ici qui vont se succéder au micro et au plateau de Duo. Et petite transition là, nous avons parlé de prévention, accueil, écoute et formation juste auparavant avec l'association Espace, qui est l'association interprofessionnelle de soins et de prévention des abus sexuels. J'ose la transition avec un volet culture que nous allons entamer avec des ateliers, théâtre et écriture. Le verso s'en mêle et brise le silence sur l'inceste et une conférence théâtralisée qui va aborder ces choses-là dont on ne parle pas. C'est d'ailleurs ce que vous reprenez dans votre communication. Ces choses-là, on n'en parle pas, on oublie, de Floriane Durin, qui sera jouée le 1er mars prochain. Des ateliers d'écriture qui auront lieu le 27 ou les 27 et 28 février 2026, tout au long de cette saison du théâtre Le Verso qui nous a rejoint. Bonjour Marjorie. Bonjour. Marjorie Lurolle, à la direction et à l'administration du Théâtre Le Verso. C'est ça, tout à fait. Depuis assez récemment, hein, c'est date de ce début d'année, officiellement 1er janvier 2025. Officiellement depuis 1er janvier 2025. Après, j'étais dans les murs, ça va faire une bonne dizaine d'années que je suis dans les murs, mais à la direction depuis janvier. Oui, à l'administration essentiellement, tu le disais, hors antenne depuis 2014-2015. C'est ça, tout à fait. Mais à la direction, aujourd'hui, succédant bien sûr à Gilles Granouillet. C'est ça. On est là aussi compagnie fondatrice de ce théâtre. Tout à fait. Travelling Théâtre. C'est presque plus qu'une succession, en fait. C'est plus qu'une succession parce qu'en fait, avant, le Théâtre Le Verso était géré par la compagnie Travelling Théâtre. Et le choix de Gilles Granouillet a été qu'en décembre 2024, il fasse une scission d'association. Alors, c'est un terme technique très compliqué pour dire qu'on coupe l'association en deux, que lui est parti, donc il n'est pas à la retraite, hein, il est parti avec sa structure, avec sa compagnie qui s'appelle Travelling Théâtre. Il continue de créer des spectacles, il continue de tourner. Et nous, on a une nouvelle association qui s'appelle toujours le Théâtre Le Verso et qui va poursuivre l'activité du théâtre. Voilà, mais nous ne disons plus aujourd'hui Travelling Théâtre Le Verso. Tout à fait. Voilà, c'est juste la petite nuance. Et puis bien sûr, toujours Gilles Granouillet est bienvenu et suit attentivement hein, l'activité du Théâtre Le Verso. Il n'y a bien pas de scission non plus en termes ou d'autres termes. Non, c'est une scission administrative. Purement et simplement. Mais c'est quand même un sacré changement. Et je dirais comment s'est passée la transition. On l'avait déjà évoqué sur notre antenne avec Marion, qui est chargée de communication et de relations publiques et presse au sein du théâtre Le Verso, puisque nous sommes, on va quand même aussi le préciser, c'est assez historique, partenaire de votre théâtre et de vos théâtres, je dirais, qui regroupent au sein de la Ruelle, Le Verso et Choc Théâtre, même si là aussi les choses se sont un petit peu distinguées finalement, mais la Ruelle est toujours bien sûr en place. Toujours là. Mais je dirais, et c'était le sens de ma question, comment s'est passée cette transition, cette transmission aussi, et comment on rebondit finalement aussi et on réoriente peut-être ou on reflèche un petit peu, je dirais, les choses. Tout à fait. Alors la transmission, elle s'est bien passée dans le sens où, comme je dis, ça faisait 10 ans que j'étais dans les murs, donc je pense que j'avais une bonne connaissance de ce qui se passait au Verso. La transition, elle a été surtout compliquée au niveau administratif parce que ça demande des papiers, des choses extraordinaires parce qu'on est très fort en France pour ce genre de paperasse. Après, dans la vraie vie, dans ce que l'activité même du Verso, la transition, elle s'est faite assez facilement parce que on a des missions particulières qui sont fléchées par rapport à nos financeurs qui sont quand même l'accompagnement des jeunes compagnies. Donc c'est vrai que la reprise du Verso ne pouvait pas se faire avec avec d'autres missions que celles qu'on a actuellement. Après, on arrive, chaque personne qui arrive ou qui continue dans une structure a toujours envie d'y mettre un peu sa patte, forcément. Donc avec Marion, on a réfléchi, on avait des envies, on avait pas mal de projets. Donc c'est maintenant qu'on peut les mettre en place et c'est maintenant qu'on va pouvoir développer, et notamment la mise en place d'ateliers et notamment la mise en place, l'ouverture. C'est vraiment une volonté, une ouverture du lieu à toute personne qui aurait envie. Alors on dit bénévole, mais vraiment c'est pour nous, ça va être la recherche de personnes qui sont motivées à venir faire des choses avec nous. Alors voilà, quel peut-être quelques tentatives comme ça d'ouverture, de développement de certaines choses, certains points, on va l'évoquer bien sûr. Tout à fait. Mais une pérennité finalement, une continuité aussi dans ce qui fait ou a fait l'ADN de Travelling Théâtre Le Verso à l'époque, pour le coup. C'est ça. Et il serait peut-être bon de le rappeler. Oui. Ou les rappeler. À l'origine, le Verso, il a quand même été créé par Gilles Granouillet pour permettre à des compagnies stéphanoises et un peu plus largement du département de la Loire d'avoir un lieu pour pouvoir répéter, pour pouvoir créer, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir un lieu un peu dédié et spécifique pour pouvoir créer ces spectacles. Ça veut dire que derrière, au fur et à mesure, dans les années, les financeurs nous ont suivis et ont accompagné le Verso. Et il y a vraiment eu cette demande d'accompagnement de la part du Verso sur les jeunes compagnies. Alors, on parle souvent de compagnies émergentes. Moi, j'y mets toujours un peu des guillemets parce que c'est un peu large, émergent. Nous, on y met des jeunes compagnies qui se créent. On y met des compagnies qui arrivent d'autres territoires mais qui viennent s'implanter sur la Loire. On y met aussi des compagnies qui ont un peu plus de bouteilles, qui ont des spectacles déjà créés, mais qui à un moment donné dans leur parcours ont envie de faire un spectacle un peu spécifique, qui est un peu hors norme, qui rentre pas forcément dans les cadres et dans les murs de certains théâtres. Et nous, pour nous, c'est aussi notre mission de pouvoir les accompagner sur leurs projets particuliers. Voilà, donc ces missions-là, elles perdurent et c'est vraiment l'essence du Verso, c'est vraiment de pouvoir dire à des compagnies, c'est le lieu des possibles, c'est le lieu des premières, c'est à vous, venez nous chercher et nous, on va vous accompagner pour mettre en place votre première création ou votre deuxième, troisième, voilà, parce que tout se fait pas d'un coup, mais c'est vraiment le lieu des possibles, c'est comme ça qu'on le voit. Oui, c'est important de rappeler aussi ces axes-là et ce travail que vous menez, au-delà de la diffusion, je dirais, de la programmation, c'est aussi l'accueil, la création, le travail de résidence. Le travail de réseau aussi, hein, vous faites aussi partie de Loire en Seine avec d'autres structures. Enfin voilà, ça c'est aussi un travail important. Et puis au-delà, je dirais, de ces piliers, il y a bien aussi au travers de ce petit changement qui est intervenu, de nouvelles tentatives, ouvertures. Vous êtes toujours un théâtre de quartier, mais il me semble que c'est peut-être ce qui est un peu plus visible aujourd'hui au travers de votre proposition, de vos propositions, de votre communication. Il y a de revenir aussi peut-être sur cette proximité et donc prendre en compte l'environnement aussi du Théâtre Le Verso, au-delà de vos voisins culturels, théâtre je parle, ce sont aussi d'autres structures voisines que vous associez aussi largement aujourd'hui au travers de vos propositions. Ce serait bien aussi de peut-être le réindiquer, repréciser. Alors, cette saison, elle s'appelle Ramène ta fraise. Ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Ça veut dire que nous, le Verso, on le veut vivant. On le veut avec des gens, parce que être salarié d'un Verso, c'est bien, on est deux, on se parle, on se raconte des choses. Mais à un moment, on a aussi envie d'ouvrir ce théâtre à tout un chacun, que ce soit des individuels, mais aussi des structures, pour travailler avec les structures qui sont à côté de chez nous. Alors, on a le Choc Théâtre qui est juste à côté, mais on a aussi le Méliès Saint-François qui est juste à côté de nous. Il est au bas de la rue. Donc c'est important aussi pour nous d'aller travailler avec les structures qui sont à côté de nous. On aura un petit projet avec le Méliès Saint-François qui va s'appeler, qui va tourner autour d'un spectacle qui s'appelle Victoire, sur le lien entre aidants, aidés, personnes âgées notamment. Et nous, on va mettre en place un jury de cinéma, c'est-à-dire que le Méliès va nous fournir 10 bandes annonces et puis pendant un après-midi, vous allez pouvoir être le jury et lire le film que vous aurez envie de voir au Méliès en amont du spectacle Victoire. Ça, c'est pour un travail un peu avec les différents partenaires. Et après, au niveau du grand public, on a envie de plein de choses. On a envie d'ouvrir déjà le Verso pour tout un chacun qui aura envie de nous donner des idées, de venir participer à la vie du théâtre, de venir craquer des billets les soirs de spectacle, de venir refaire un coup de peinture avec nous, parce qu'un théâtre qui a 20 ans, forcément, il y a un petit coup de peinture à donner de temps en temps. Pour donner des plaquettes, pour aller faire plein de choses, il y a toujours matière en tout cas à trouver des choses à faire. Et puis même, on voudrait ouvrir à des gens qui voudraient nous aider. On met en place dans la programmation, on accueille des spectacles, mais on essaye de mettre en place des temps forts. C'est-à-dire qu'autour des spectacles qu'on nous propose, on essaye de trouver un peu d'autres activités, de mettre en place des ateliers, de mettre en place des conférences, mettre en place d'autres choses. Et ces autres choses, elles sont à penser, elles sont à imaginer. Et le public a aussi sûrement des choses à nous apporter, des idées à nous apporter, des contacts à nous apporter. Et puis, c'est pour ça qu'on peut réfléchir ensemble à tous ces projets. plein de publics donc visés. Tout à fait. Le grand public amateur, bien sûr, de théâtre, mais aussi le jeune public par les écoles, par exemple, aussi de proximité. Tout à fait. Et les structures aussi locales de proximité et de quartier. Alors, le cinéma Saint-François que tu évoquais, Marjorie, qui vient aussi de se refaire une beauté, hein, qui vient de réouvrir là, ses portes il y a quelques jours, qui a aussi rafraîchi ses murs, justement, hein, pour ce cinéma de quartier, au-delà de quartier, cinéma Méliès, qui est longtemps, en tout cas, ex-France, bien sûr, sur Saint-François, puisqu'on parle de ce secteur-là, hein, bien sûr, de Saint-François à Saint-Étienne. Vous aviez déjà entamé et engagé un petit peu ce travail de collaboration l'année dernière, qui croise finalement plein de, je dirais, de disciplines, au-delà d'un partenaire ou d'un partenariat de structure. Le Méliès avait, et donc le Verso, était engagé dans un processus d'écriture, de pièces, au travers d'un texte de Sophie Divry. Tout à fait. Et qui avait donné lieu à un cortège, enfin, un événement vraiment fort de la saison dernière. Tout à fait. Peut-être que tu peux en redire quelques mots de la façon dont vous avez aussi vécu cette nouvelle proposition et si elle va réapparaître plus ou moins sous cette forme, justement, cette année, comme tu le disais. Alors, elle ne va pas réapparaître tout à fait. Alors, l'année dernière, on avait mis en place ce qui s'appelait un cortège à Saint-François avec un partenariat avec le collectif X, la Quincaillerie Moderne, qui avait fait un spectacle qui s'appelle « Cinq mains coupées » sur un texte de Sophie Divry sur les violences policières et les manifestations. Au combien d'actualité ? Je me permets, parce que tiens, on parle des gilets jaunes au travers de cette pièce. Hein. Tout à fait. Et voilà, là, avec un regain finalement un petit peu de la chose en termes d'actualité politique. Excuse-moi, tout à fait. Petite parenthèse. Et on avait mis en place en fait un film qui se passait au Verso et une pièce de théâtre qui se passait au Méliès. On avait un peu échangé nos compétences avec l'idée qu'on avait fait un cortège, on avait mangé la soupe au Verso tous ensemble et puis on était partis se rendre tous ensemble au Méliès. Ce partenariat avec le cinéma Le Méliès, il est important parce qu'on est dans un quartier qui est quand même assez un quartier résidentiel, on va dire, avec quelques activités, mais il faut le faire vivre ce quartier Saint-François, il faut qu'il s'y passe des choses. Donc nous, ce partenariat avec le Méliès, il est très important et cette année, on refait ce partenariat. Alors, ça ne sera pas un cortège, mais ça sera le jury de bande-annonce, comme je l'évoquais tout à l'heure. D'accord. Mais on va travailler sur d'autres choses. Ce partenariat, il va perdurer et puis c'est important de faire vivre ce quartier. Très bien. Pour avancer un petit peu, alors tout à l'heure, tu évoquais aussi les ateliers de pratique, la création, les stages. Alors tout cela va s'adresser aussi aux amateurs et aux bénévoles finalement. Et alors là, c'est là où ça prend toute sa dimension, je dirais, pleinement associative, ce qui est le cas pour ce UEVA là aussi aujourd'hui. J'ai vu les brigades bénévoles indiquées dans votre programme. Alors, on va avoir un côté atelier, mais on va avoir un côté brigade bénévole. Brigade bénévole, ça veut dire que nous, comme je l'évoquais avant, on est à la recherche de personnes qui ont envie de s'impliquer. Alors ces personnes, pour pouvoir les motiver, on a fixé trois dates dans l'année. La première, elle est le 27 septembre à 17h. On se donne rendez-vous au Verso pour toute personne qui serait motivée. L'idée, c'est de pouvoir se rassembler et commencer à réfléchir ensemble. Mais on veut aussi de la convivialité. Ça veut dire qu'on veut bien qu'il y ait des gens qui viennent nous aider. Mais avant tout, on veut qu'il y ait de la convivialité entre nous. Donc l'idée, c'est de pouvoir, sur trois dates comme ça, se retrouver au Verso, échanger, voir comment recueillir un petit peu les envies, les possibilités des gens et travailler. Alors nous, on va leur proposer bien sûr des petites choses. Ces gens-là, ils vont venir, mais ils vont pas juste réfléchir. On va leur proposer des petits ateliers, des petits jeux pour qu'ils puissent comprendre des choses, notamment sur les droits culturels, qui sont très importants. Et après, on aura trois dates dans l'année. La première, le 27 septembre, je disais, et je tourne ma petite plaquette parce que je ne les connais pas par cœur. La deuxième, le 17 janvier, et puis le 3 juillet aussi. Voilà. Et après, on a des ateliers qui vont se mettre en place, des ateliers plutôt en direction des amateurs cette fois-ci. Plutôt adulte, c'est vrai, et un qui va s'adresser plutôt aux familles. On souhaite qu'il y ait un atelier intergénérationnel, parents-enfants, grands-parents, petits-enfants, tonton-tatan, avec les cousins-cousines, les neveux, les nièces, enfin peu importe. Mais voilà, tout au long de l'année, c'est pareil. On va proposer des ateliers sur de l'écriture, sur du collage. Alors, un atelier qui s'appelle aussi la criée publique, parce que là, on a vraiment envie d'aller se faire connaître. La criée publique, c'est comment on parle, comment on peut déclamer un texte, comment on va pouvoir dire sur des marchés, sur des places de Saint-Étienne, les choses qu'on a envie de dire. Ça veut dire un texte qu'on a aimé, ça veut dire un message fort, un message politique, un poème, tout ce qu'on a envie. Et puis l'idée, c'est de se retrouver le 27 septembre également, en début d'après-midi, travailler avec la compagnie associée du Théâtre Le Verso pour les deux saisons qui arrivent, qui est la compagnie de la Malavague. Ils vont nous faire travailler sur la diction, sur comment on parle fort, comment on parle, comment on déclame un texte. Et puis tout au long de l'année, on va se retrouver sur les marchés pour parler au public, pour dire tout ce qu'on a envie. Pour communiquer aussi, hein, il faut le dire. C'est un peu l'ancêtre, le crieur ou la crieuse publique. Tout à fait. C'était avant le téléphone, Internet et autres. C'était une façon aussi publiquement d'aller annoncer, communiquer publiquement justement ce que vous allez réengager donc pour cette saison. Alors il y a plein de choses bien sûr hein, prévues tout au long de cette saison. Tu as donné quelques premières dates. La véritable première proposition en termes de programmation, de spectacle, il me semble que j'ai noté le 8 octobre. Oui. Autour, et là on va revenir dans un peu notre univers aussi, nous, le radio de la chanson, avec la Grande Sophie. C'est ça. Alors on a mis en place un partenariat avec la librairie Quartier Latin. Et cette librairie Quartier Latin on lui a donné carte blanche pour une lecture. Et elle nous a proposé la Grande Sophie. La Grande Sophie qui a écrit un livre qui s'appelle Tous les jours Suzanne. Et on a la chance au Verso de pouvoir avoir le 8 octobre la Grande Sophie qui va venir nous lire une partie de son texte. Ce n'est pas un concert de la Grande Sophie. Alors, ce n'est pas un concert. Il y aura un peu de musique, il y aura un petit peu de choses aussi, parce que c'est la Grande Sophie. Mais elle vient avant tout nous parler de son livre et de nous en faire quelques extraits. Et après, on aura un petit débat autour de ce livre avec la librairie et puis le Verso. Voilà. Mais voilà, venez, ça sera avec plaisir. Pour le 8 octobre. Et puis d'autres rendez-vous d'ici là, il me semble qu'il y a aussi des premières propositions. Une répétition générale de la compagnie La Malavague, parce qu'on ne l'a pas dit, mais cette compagnie est la compagnie associée hein, artistiquement Au Théâtre Le Verso. Pour deux saisons. Deux saisons consécutives, oui. Voilà, la compagnie La Malavague et j'ai perdu Grégory. Dirigé par Grégory Bonnefond, voilà, bien entendu. Qui va mettre en place un spectacle, qui crée un spectacle qui s'appelle Renaissance, qui va être créé en novembre. Et donc là, à partir de septembre, il ouvre les portes de sa créa et tout un chacun peut venir, 5 minutes, pour assister heures, à la répétition. Assister à la répétition. Générale. Venir regarder tout ça. Ouais. Et puis alors, d'autres propositions qui vont d'ailleurs mêler aussi littérature et musique, je pense à, et on l'évoquait tout à l'heure, je ne sais pas si Samuel a pu le programmer ou non, mais le trio Clume, qui s'est associé à l'autrice poétesse Floria Souchier, qui avait donné lieu à une publication d'ailleurs, Époque de plomb. Voilà, c'est édition Mabourakis, je ne sais plus, édition Sorcière, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, et qui vont faire proposition, alors ça ce sera 2026 au mois de mars. Ça sera fin mars 2026 sur un concert poétique, un concert de poèmes, ça sera les 26, 27 et 29 mars. D'accord, et puis alors d'autres petites choses à rajouter, Marjorie peut-être. Alors oui, une petite chose à rajouter, saison, par exemple. Alors parce que le 14, dimanche prochain, voilà. Avec plaisir, c'est le lancement de saison. Il faudra ramener sa fraise. Il faudra ramener sa fraise et vous pourrez, alors pas manger des fraises parce que c'est pas vraiment la saison malgré tout, mais il y aura de la confiture de fraises. Ça sera avec plaisir qu'on vous accueille. N'hésitez pas à nous appeler pour réserver votre petite place parce que ça commence à se remplir. À partir de 16h, voilà, lancement et présentation de saison. Et puis goûter partagé après. Histoire de passer un bon moment. C'est le 14 septembre prochain. Et puis pour toutes les infos, alors physiquement, il suffit de se rendre secteur Saint-François, la ruelle, rue de la Richelandière au 61 pour le Verso. Bien entendu, juste en bas de la ruelle, c'est la rue Bernard Palissy et c'est le Choc Théâtre voisin. Ça, c'est pour le côté physique. Et puis, il y a un site internet. Alors, il y a un site internet. On a toutes les infos pratiques. Tout à fait. Il y a un site internet. Alors, il s'appelle encore Travelling Théâtre Le Verso, ce site internet. Mais si vous tapez Théâtre Le Verso sur internet, vous nous trouverez. Il n'y a pas de souci. Alors, le Verso, V-E-R-S-O. C'est le recto verso, c'est le Verso. Mais vous nous trouverez sans souci sur internet et il y a toutes nos actualités, il y a toutes nos possibilités d'ateliers, de spectacles. Vous pouvez prendre vos places sur notre site internet. Tout y est. Voilà, un lieu qui déplace les bornes au-delà d'internet d'ailleurs. Un théâtre à découvrir ou redécouvrir à Saint-Étienne. Merci Marjorie. Merci. Lurol, on le rappelle, directrice depuis ce début d'année du théâtre Le Verso. On vous souhaite alors certes une bonne journée aujourd'hui, mais au-delà, un bon lancement de saison dimanche prochain, 14 septembre, et une belle entame de saison et une belle saison tout simplement, même 2025-2026. Merci beaucoup. Merci Marjorie.